puissance pour nous délivrer, pour nous sauver et pour nous bénir, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés ce matin. Que ton esprit nous aide à écouter cette parole. Seigneur, merci et bénis-nous ce matin au nom de Jésus. Que personne ne sorte de ces salles la même personne, Seigneur, au nom de Jésus. Et tout le monde dise amen. Alléluia. Wow. Ce matin, nous avons la Sainte Semaine. Nous allons penser à la fin du culte. Alléluia. Et donc, je vais essayer de finir ce que j'ai commencé. Bien continuer. Alléluia. Ce matin, de parler de les étapes de la déloyauté. Alléluia. Maintenant, vous connaissez les étapes, non? Vous connaissez? Alléluia. Yeah. Les étapes. La première étape, c'est esprit d'indépendance. Alléluia. Deuxième étape. Ouais, l'indépendance, c'est un fait que dit que personne ne peut me contrôler. Yeah. Personne ne peut me contrôler. Alléluia. Je fais ce que je veux. C'est pas possible. Si tu es un enfant qui n'est pas contrôlé par les parents, ta vie sera détruite. Yeah. Ta vie sera détruite. Alléluia. Yeah. Donc ça, c'est l'esprit d'indépendance. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu ne peux pas être ici et faire ce que tu veux. Alléluia. Si tu es avec nous, tu fais ce que nous tous nous faisons. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Et puis, esprit de deuxième étape. Offense. Il y a offense. Tu seras offensé. Alléluia. Regarde ton voisin. Il est beau. Ou bien elle est belle. Hein? Regarde ton voisin. Il va t'offenser. Et toi aussi, tu vas l'offenser. De commencer à demander pardon d'abord. Alléluia. Yeah, commence à demander pardon. Parce qu'on ne peut pas quitter. Hein? Dans la famille, on ne quitte pas. Même si ton frère t'offense, tu vas rester toujours dans la famille. Tu ne vas pas dire, oh, papa m'a offensé, donc maintenant, je m'appelle plus ton nom de famille, c'est quoi? Pardon? Wembe. Lembe. Et que maintenant, là, je m'appelle Brunel. Et puis, tu mets un nom ghanéen. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas quitter la famille. Alléluia. Il faut savoir que l'église, c'est une famille. Et on va s'offenser les uns les autres. Ah, il faut prier pour un cœur de pardon. Un cœur qui est grand pour prendre toutes les bêtises que les membres de famille vont t'amener. Alléluia. Et puis pardonne. Pardonne. Le pardon, c'est une grande chose pour le chrétien. Yeah. C'est une grande chose. Tu seras offensé. Et les personnes qui font t'offenser sont des personnes qui sont proches de toi. Tes amis, ta femme, ton mari, hein, sont des personnes là qui vont t'offenser. Alléluia. Et donc tu dois prier que le Seigneur te donne. Si tu as la difficulté de pardonner, tu pries le Seigneur. Je me rappelle, j'avais ça. Je n'arrivais pas à pardonner. Yeah, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à pardonner facilement, c'est pas possible. Alléluia. Mais j'ai prié. J'ai prié. Et je me rappelle toujours de ce verset. Éphésiens 4, verset 26 ou bien 28. Éphésiens 4. Est-ce qu'on peut voir ce verset? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 28. Verset 28 ou bien 26. 26. Il y a 26. Éphésiens 4, verset 26. Dans Éphésiens, ce sont là où on te dit ne vole pas, ne ment pas. Tout ça là. Donc c'est un bon passage. Allez. Ça t'apprend comment vivre comme un chrétien. Alléluia. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Et verset, ne donnez pas accès au diable. Ça suit. Lorsque tu ne pardonnes pas très vite, tu donnes accès au diable. Tu donnes toutes sortes d'idées. Je ne te parle plus. Je ne viens plus te chez toi. Yeah, tu n'es plus mon ami. Yeah. Tu n'es plus mon ami. C'est fini. Mais après, lorsque la colère est partie et tu commences à réfléchir, ah, tu es toujours mon ami. C'est pas fini. Alléluia. Yeah. Je me rappelle, j'étais assis. Il y avait une table devant la dans le porche. Porche, on l'appelle comment en français? Porche. Porche. Terrasse. Il y avait une table. Et j'étais assis en train de méditer ce verset parce que j'avais la difficulté de pardonner. Yeah. J'étais assis là-bas. Mais 9h, 9h matin, entre 9h, 10h, j'étais là-bas. Et je méditais ce verset. Ne laisse pas le soleil te coucher sur ta colère. Et je demande, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Alléluia. Aide-moi, aide-moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est facile de pardonner. Facile de pardonner. Parfois, si je vous réprimande, vous croyez que je suis en colère. C'est pas la colère, c'est seulement la réprimande. Il y a beaucoup de personnes, j'ai réprimandé, pensaient que le pasteur est fâché contre moi. Oui, c'est seulement une réprimande. Je ne suis pas contre toi. Alléluia. Par la grâce de Dieu, c'est facile de laisser tomber certaines situations, certaines choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as une difficulté de pardonner, prie le Seigneur, prie le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu va t'aider à pouvoir pardonner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Bien. Tu vas au pasteur. Tu ne sais pas ce que la personne a fait. Peu importe. Peu importe. Alléluia. Parce que la Bible dit que lorsque tu ne pardonnes pas, le Seigneur ne va pas te pardonner. Bien. Et toutes tes prières ne vont pas aller. Le Seigneur a fermé les oreilles. Il ne va pas écouter ta prière. Alléluia. Donc c'est dangereux pour toi-même de ne pas pardonner. Alléluia. Et ce que la Bible dit, la personne qui est offensée, c'est la personne là qui demande pardon. Ça, c'est un haut niveau de pardon. C'est la personne qui est offensée, c'est la personne là qui demande pardon. C'est pas la personne qui a offensé. Yeah? Ça là, c'est pour les ceux qui sont matures. Alléluia. Les enfants ne vont pas comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Demande, le Seigneur va t'aider à pouvoir pardonner. Alléluia. Et troisième étape, passivité. Ça suit. Lorsque tu es offensé, tu deviens passif. Je ne parle plus. Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas de commentaire. je ne dis rien. Je ne dis plus rien, je ne viens plus. Je ne viens plus. Et ça se voit parfois. Lorsque les gens sont offensés, ils ne donnent plus les offrandes. Ils ne paient plus la dîme. Avant, on payait, on donnait. Mais maintenant, là, non, je croise les bras. C'est fini. Le pasteur, là, il m'a offensé. Il a dit quelque chose que je n'ai pas aimé, donc. Je ne lui donne plus l'offrande. Forgive. Tu donnes l'offrande à Dieu, c'est pas à moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Passivité. On ne parle plus. Et c'est dangereux. Alléluia. Et puis, quatrième étape. Critique. Étape de critique, c'est ça? Critiquer. Lorsque tu es passif, tu vas remarquer les faiblesses. Ça a commencé. Toute chose dans ce monde a des faiblesses. A des défauts. Toute chose. Alléluia. Toute chose dans ce monde a un défaut. Lorsque tu achètes un nouveau téléphone, il y a un défaut. Il y a quelque chose que ça ne fait pas pour toi. Alléluia. Tout le monde, et tout le monde a un défaut. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si tu regardes avec un œil de critique, tu vas avoir des défauts. Est-ce que vous comprenez? Mais toute chose aussi a une bonne partie. Tout le monde a une bonne partie. Vous comprenez? Yeah. Tout le monde a une bonne partie. Donc, regarde avec un œil d'amour. Regarde avec amour, pas critique. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et ne critiquez pas. Les hommes de Dieu, ne critiquez pas. Ne critiquez pas l'Église. Ne critiquez pas les choses de Dieu. Alléluia. C'est dangereux. Je pense que j'ai parlé beaucoup de cela. Ah, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Ne critiquez pas les pères spirituels et les pères biologiques. Amen. Yeah. Yeah. Marie, la sœur de Moïse, yeah, a parlé mal de Moïse. Parce que Moïse s'est marié à une femme éthiopienne qui était contre la loi, qui était contre leurs coutumes. Parce qu'avant, ils ne se mariaient pas à d'autres peuples. Tu ne peux pas te marier à une éthiopienne ou bien... Non, ce n'est pas possible. Mais Moïse s'est marié. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne peux pas corriger ton père. Tu ne peux pas corriger le pasteur. Pourquoi le pasteur maintenant se marie à quoi? À une personne. C'est maintenant tu es en train de choisir une femme. Marie est en train de choisir une femme pour Moïse. Pour l'homme de Dieu. Et Marie avait raison, ou bien? Marie avait raison. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que parfois, ce que tu es en train de critiquer là, c'est comme c'est vrai. C'est comme tu as raison. C'est comme tu as un point. Ou bien? Yeah! C'est comme tu as un point. Mais c'est dangereux lorsque c'est contre un homme de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous êtes avec moi. Mon peuple ici là. Ça là c'est pas. Alléluia. Yeah. Vous comprenez? C'est très dangereux. Et tu as raison de dire que, oh, il y a un défaut. Ok, le gars là, il a fait un défaut là. Tu as raison. Mais la Bible dit, ne n'ouvre pas la bouche. Alléluia. Yeah. La lèpre. Marie a été attaquée par la lèpre. Tout son corps. Allez, et puis depuis ce jour, la Bible n'a plus mentionné le nom de Marie. C'est fini. Sa vie est foutue. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Et puis à Light, dans cette église, on va te dire, ne parle pas d'un pasteur. Si même c'est pas Lighthouse, ne parle pas des pasteurs. Ne parle pas d'autres pasteurs. Si tu as quelque chose, ferme la bouche. Yeah. Si tu as quelque chose à dire, c'est la prière. Prie pour la personne. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que c'est dangereux pour ta vie et dangereux pour ton futur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. Donc critique. On a, c'est facile de commencer à critiquer. Est-ce que vous savez? Vous savez que c'est facile. C'est très facile. Très, très facile de commencer à parler. Alléluia. Et puis quoi encore? Cinquième étape. La politique. Yeah, politique. Politique. Yeah. Lorsque tu commences à critiquer, tu veux essayer d'avoir. Yeah, tu commences à dire, mon frère, est-ce que tu vois? Est-ce que tu as remarqué ce que le pasteur est en train de faire? Et maintenant, tu commences à critiquer. Est-ce que tu vois l'église? Alléluia. Yeah. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Yeah. Et puis, on a eu des gens qui viennent à l'église ici, qui ne sont pas ici. Alléluia. Et puis, commencent à parler aux membres de cette église. Parler mal. Ça, c'est la politique. Yeah. Les gens ont quitté à cause de ça. Yeah. Les gens ont quitté, ils sont venus à l'église ici. Ils ne sont pas, ils sont seulement venus pour seulement former une partie politique dans cette église. Yeah. Et puis recruter les gens. ils viennent, ils commencent à parler aux gens. Ou bien, ils ne viennent pas. Ils vont dans les maisons, dans les hostels. Et je sais qu'il y a certaines personnes ici, il y a des gens qui sont venus voir. Et vous parlez mal de l'église. C'est vrai ou bien c'est faux? Yeah. Les gens viennent pour parler. Et ils prêchent contre ce que le pasteur a dit. Ils prêchent contre l'église. Ils disent autre chose qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Faites attention à ces personnes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah, faites attention. Parti politique dans l'église. Alléluia. Yeah. Ne vous laissez pas être trompé par les gens. Yeah. Amen. Vous êtes là? Yeah. Et ici, ne créez pas dans l'église, ne créez pas. Hein? Oh, non, là, maintenant là, c'est nous. Nous sommes Gabonais. Ok, donc les Béninois ne peuvent pas parler avec vous. Non, ce n'est pas ça. L'église internationale, le phare. Est-ce que vous avez vu? L'église internationale, le phare. C'est pourquoi les compagnies nationales n'arrivent pas à grandir. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est national. Ok, ça c'est pour les Togolais. Donc c'est seulement Togo. Bien, ça, c'est pour les Ghanéens. Donc, c'est seulement Ghanéens. Non, c'est international. Donc, lorsque tu viens, tu sais pas, oh, tu es Gabon. Oh, je ne savais pas que tu es Gabon. Oh, tu viens du Congo. Ok. Nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est une forme de politique. Et puis, non, maintenant, là, c'est maintenant, les Ghanéens sont dans l'église. Et puis, lorsque on est là, oh, que toi, tu viens d'où? Tu viens de la Côte d'Ivoire. Oh, ok. Non. Non. C'est pas. Il y a une fois, j'étais tellement surpris. Un jour, j'ai amené, ma mère était là, et puis je l'ai amené. J'ai passé par là, à Kodesh, et puis j'ai rencontré Epi Akos, Epi Daniel. Alléluia. Et donc, je parlais avec ma maman, dans notre langue. Et puis, Epi Akos a dit, c'est quoi? Parle encore, je vais. Est-ce que. Sans savoir que nous venons de la même. Le même village, on parle la même langue. Sans savoir, mais on a resté plus de 2 ans, 3 ans sans savoir qu'on est de même village. Est-ce que vous comprenez? Yeah, light house, c'est comme ça. Tu ne vas pas savoir qu'il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de différence entre les Congolais, Gabonais, Camerounais, Béninois, Ivoiriens, Ghanéens. Nous sommes tous ensemble. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc ne viens pas ici, essaye de que okay, nous sommes des Burkinabés et puis c'est comme non, ça association de Burkinabés. Non. Est-ce que vous comprenez? Yeah, nous sommes tous ensemble. Lorsque le Burkinabé a un problème, c'est le problème de tout le monde. Ou bien? Yeah, lorsque le Congolais a un problème, c'est le problème de tout le monde. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Yeah. Alléluia. Ou bien c'est pas ce que je dis là, est-ce que vous nous comprenez? C'est comme vous ne comprenez pas ce que je dis. Yeah. Ne créez pas ces choses-là, ces différences. Ça crée des divisions, ça crée des confusions, ça crée des opportunités de querelles et des confusions dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Si tu es béninois, moi aussi je suis béninois. Donc si tu as un problème, moi j'ai ce problème-là. Alléluia. Yeah. Et puis on s'aide, et puis on prie pour les uns et les autres ensemble. Est-ce que c'est bon? Yeah. Yeah. Alléluia. Donc la l'étape de politique dans l'église. On évite ça. Alléluia. Wow. Yeah. Alléluia. Vous êtes là? Yeah. Et lorsque la politique commence à se créer dans l'église, l'étape là, les gens commencent et puis disent, tout le monde n'est pas content. Oh. C'est comme l'église est en train de, il y a un problème dans l'église. Beaucoup de personnes sont, beaucoup des chrétiens, beaucoup de light out, des gens de light out sont en train de, beaucoup sont des fornicateurs, beaucoup sont, il commence à dire des choses comme ça. Beaucoup sont des pécheurs. Ou bien, moi, je ne sais pas ce que j'ai une fois entendu ça. Il dit, oh, beaucoup de lighters là sont des pécheurs. Ils ne sont pas. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Beaucoup sont en train de parler. Beaucoup sont en train de faire autre chose. Wow. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Yeah. Donc, étape, première étape, indépendance, étape d'offense, de passivité, de critique, de politique. Alléluia. Et puis, l'étape suivante, l'étape de déception. Yeah. La plupart des temps, c'est parce que les gens sont trompés. Alléluia. Yeah. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas. C'est pourquoi ils commencent à être déloyaux. Alléluia. Ou déloyaux. C'est parce qu'ils ne savent pas. Amen. Ah. Ils ne savent pas. Étape de déception. Alléluia. Judas a été trompé. Yeah. Absalom. Vous connaissez Absalom? Yeah, on a parlé d'Absalom, 2 Samuel. Absalom a été trompé. Joab. Est-ce que vous avez parlé de Joab? Yeah, Joab était déloyal. Déloyal. C'était le premier, le chef de l'armée de David était Joab. Il était déloyal. David dit, ne fais pas ça, c'est ce qu'il va faire. Ne tue pas mon enfant. Il allait tuer son enfant. Yeah. David était vieux. Il disait que Salomon sera mon successeur. C'est lui qui sera le roi. Joab a dit, non. Est-ce que tu ne connais pas le scandale qui concerne Salomon? C'est sa maman qui a été tout ça là. Il y a un problème de... Donc Salomon, non, Salomon ne sera pas le roi. Alléluia. Et Joab a allé prier une autre personne. Hein? Adonijah. Il dit que non, c'est Adonijah qui sera le roi à la place de Salomon. Alléluia. Yeah. Donc Joab était déloyal. Chaque fois on dit, on fait ça. Il dit, oh non, moi je vais faire un esprit d'indépendance. Il fait autre chose. Autre chose. Alléluia. C'est une étape de, il était trompé. Il croyait qu'il pouvait être le roi. Alléluia. Il pouvait choisir le roi qui va succéder, ou bien qui va succéder David. Alléluia. Amen. Dans l'étape de déception. Selon que les gens sont trompés, c'est en ce moment qu'ils sont déloyaux. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dans l'étape de déception. Et puis, l'étape suivante, rébellion ouverte. Yeah. Rébellion ouverte. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Lorsque tu es trompé, étape. Rébellion. Maintenant, la personne vient ouvertement lutter ou bien combattre son père. Yeah. Combattre le pasteur. Commence à parler. Comment? Tu sais, tu es qui? Commence à parler. Yeah. Rébellion ouverte. Hein? Absalom a essayé de faire ça. Lucifer a fait la même chose. Lui-même. Alléluia. Yeah. Judas. Même chose. Amen. Et puis la dernière étape d'exécution. Exécuter. Yeah. Tu vas regarder tout, la fin de tous ceux qui sont déloyaux, c'est l'exécution. Ils sont morts. On va les tuer, on va les exécuter. Ah. Yeah. Judas est allé se suicider lui-même, se pendre quelque part. Amen. Absalom, qui était déloyal contre son père, a été tué. Joab, c'est la même chose. Adonijah, c'est la même chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Exécution. Et puis Lucifer, on l'a chassé et puis on attend le temps pour lui. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dans la fin de la déloyauté, c'est l'exécution. Là, exécution. Donc, faites attention. Lorsque tu te trouves quelque part, pas seulement dans l'église, lorsque tu es déloyal dans une entreprise, On te chasse. On te vire. C'est ça, non? Yeah, vire. Tu ne peux pas rester. Dans une entreprise, dans une société, organisation, tu ne peux pas être indépendant. Tu ne peux pas autre chose contre ce que les autres sont en train de faire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc la fin, c'est exécution. Donc de politique, on a déception, étape de déception, rébellion ouverte, étape de rébellion ouverte, et puis étape d'exécution. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, étape de déloyauté. Aujourd'hui, vous connaissez toutes les étapes. Hein? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes béni? Yeah. Et pourquoi nous sommes en train de parler de déloyauté? Je pense qu'il y a déjà parlé de ça. C'est la première qualification pour tout le monde. Alléluia. Yeah. C'est pas la beauté. Yeah. Par exemple, le mariage, c'est pas la beauté. C'est pas ta beauté. C'est ta fidélité. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est ta fidélité. C'est pas ça parce que tu es belle. Bien, tu es beau, donc c'est un bon mariage, non? Fidélité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est pas parce que le pasteur est beau, non. C'est la fidélité. C'est pas parce que tu peux parler, tu as le verbe. Non. C'est la fidélité. C'est pas parce que tu es intelligent. Yeah. C'est la fidélité. Les ministres, le gouvernement, il y a beaucoup de personnes qui sont bien éduquées. Ou bien, ils sont bien éduqués. Tu dis en France, aux États-Unis, ils ont tous les diplômes, les doctorats. Tout. Mais regarde, il y a la déloyauté. Yeah. Alléluia. Yeah. Donc, la déloyauté, c'est la première qualification pour toute chose. Alléluia. Et puis, deuxième chose, c'est pour lutter contre la cinquième colonne. On appelle quelque chose cinquième colonne. Hein? Cinquième colonne. Qui ne connaît pas cinquième colonne? Qui ne connaît pas cinquième colonne? Ok? Je vais vous montrer cinquième colonne. Alléluia. Ok? Cinquième colonne. Yeah. La cinquième colonne, c'est quoi? C'est qui? C'est lutter contre la cinquième colonne. C'est lutter contre tous ceux qui ne sont pas avec nous. Les espions. Ceux qui prétendent être avec nous, mais ne sont pas avec nous. Et créent une confusion dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, cinquième colonne. On a pris cette expression vient d'une armée, alléluia, qui devait aller normalement aller lutter contre une autre armée, l'ennemi. Alléluia. Et puis, l'ennemi était bien protégé. Alléluia. Et donc, c'est difficile de pouvoir vaincre cette bataille. Et donc, on a demandé, chef d'armée, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir avoir la victoire contre l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma cinquième colonne. Parce qu'il avait quatre colonnes. En l'armée, il avait quatre colonnes. D'accord? Mais il a dit qu'il y a une cinquième colonne qui n'est pas là, mais qui est dans, avec l'ennemi. Yeah? Il dit que ma cinquième colonne va ouvrir la porte pour moi. Parce que l'ennemi, il y avait une grande, grand mur. Hein? C'est comme le mur de Berlin. C'est Berlin? Yeah? Et donc, c'est pas facile d'entrer et puis aller combattre l'ennemi. Donc, il a dit que ma cinquième colonne va ouvrir la porte. Et nous, on va entrer et pour combattre l'ennemi. Alléluia. Yeah. Donc, il y a cinquième colonne. Ils sont ici. Ils se comportent comme nous, mais ne sont pas avec nous. J'ai parlé de ça, non? Ce matin, yeah, les gens viennent, ils sont là, ils chantent avec nous, Dieu combat pour nous, et de notre côté, il a triomphé, oui, il a triomphé. Mais ne sont pas avec nous. Ils sont seulement venus pour confusion. Alléluia. Yeah. Donc lorsqu'on prêche, on enseigne sur la loyauté des loyautés. Ils se retrouvent, ils sont pas à l'aise. Maintenant, on peut les identifier avec leur comportement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, la cinquième colonne, c'est toujours dans l'église. Et tous sont toujours là. L'ennemi est toujours là. Et l'ennemi utilise toujours les membres de l'église ou bien d'autres personnes pour venir détruire l'église. Alléluia. Yeah. Ils sont toujours là. Amen. Et lorsque tu réalises que, c'est comme l'ennemi veut m'utiliser, toi-même, tu te débarrasses de l'ennemi. Tu dis que non, je ne vais pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a la cinquième colonne. Les prétendants. Ils prétendent être là. Alléluia. Ils prétendent t'aimer. Oh, je t'aime, mon ami, je t'aime. Je vais t'aimer, je vais te marier. Jusqu'à la fin de ma vie, ils sont là. Hey! Mais en fait, ils prétendent t'aimer. Alléluia. Comment les identifier? Ce n'est pas la loyauté des loyautés. Alléluia. L'enseignement sur la loyauté des loyautés, tu vas identifier ceux qui prétendent dans ta vie, ceux qui prétendent être avec toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ils prétendent. Wow. Est-ce qu'il y a un prétendant ici? Il n'est pas venu. Proverbe 22, verset 10. On finit dans quelques minutes avec ce verset. Proverbe 22. Verset 10. Proverbe 22, verset 10. J'ai dit verset 10. Yeah. Chassez le moqueur. Et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Yeah. Chassez. Yeah. Lorsqu'on identifie quelqu'un qui est dans la cinquième colonne, on chasse la personne. Il y a des gens qui sont là pour créer des confusions. Un jour, je me rappelle à Kolegono, l'évêque Saki était venu dimanche matin. Il a appelé un gars. Mon frère, vient. Le gars croyait qu'on va lui dire quelque chose de bon. Et puis, il a monté le podium. Et on a annoncé à tout le monde, ce gars-là, il est voleur. Et à partir d'aujourd'hui, on le chasse de l'église. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Il est en train de créer des problèmes. Il y avait deux. Il était voleur et puis il y avait un autre gars qui était à courir après les filles. Il dit à celui-là, je t'aime. Il dit à l'autre, je t'aime. Il dit à l'autre, je t'aime. Et puis les filles sont en train de se battre. Yeah. Yeah. Il a dit à beaucoup de filles, je t'aime, je vais te marier, je t'aime, je vais te marier, je t'aime, je vais te marier, je t'aime. Et puis les filles aussi se connaissent, disent, ça, c'est mon mari, ça, là, c'est mon gars, ça, c'est mon gars. Ah, c'est pour toi, moi aussi, c'est pour moi. Tu as pris mon gars, tu as pu se battre. Dans l'église. Les filles ont commencé à se battre à cause de ce gars. Et puis on l'a chassé de l'église. Alléluia. Yeah. Chassez le moqueur. Et les quoi? Les disputes, les querelles. Yeah, les querelles entre les filles. Lorsqu'on a chassé, c'est fini. Les querelles ont cessé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc ceux qui prétendent, là, prétendent être chrétiens. Hein? Voleur. Le voleur, là, on a essayé de l'aider. On a prié avec lui. On a jeûné avec. Parce que quelqu'un m'a dit, ah, mais pourquoi on a chassé le voleur? Mais pourquoi on n'a pas aidé? On l'a aidé, on a fait tout et tout. Il dit, mon frère, s'il te plaît, quitte l'église. Il ne faut pas venir nous voler ici. Parce qu'on a fait tout et tout, il continue à voler. Et il vole dans l'église, hein? Yeah, il volait dans l'église. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc si tu as un problème, on va t'aider, mais on réalise que mon frère, ton truc là, parce que maintenant les gens, ils volaient les gens, les membres de l'église, les membres deviennent sont fâchés contre l'église. Les gens viennent à l'église et puis eux regardent, oh, on a pris le sac, on a pris ça, on a fait ça. On dit non, mon frère, ne viens pas créer des problèmes ici. Alléluia. On a fait tout et tout, prié avec, jeûné avec, loin avec l'huile. Hein? D'olive qui vient de Jérusalem. On a fait la main sur la tête. Toujours. Hein? Oh là, ouais, tout ça là, toujours. Maintenant, on a réagi, non, ça là, c'est pas bon. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc, la cinquième colonne, les gens prétendent être là. Les gens qui viennent. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un vient, commence à dire, lorsque je suis en train de prier, il commence à faire murmurer, commence à dire des choses. Il faut savoir que cette personne-là, il est cinquième colonne. Yeah, cinquième colonne. Alléluia. Cinquième colonne. Parce que, l'une des raisons pour laquelle on enseigne sur la loyauté, parce qu'on veut que l'amour de Dieu soit parmi nous. On s'aime les uns les autres. Donc si toi tu viens, commence à créer des confusions. On va t'identifier, dit mon frère, ici on ne parle pas comme ça. Yeah. Quelqu'un qui vient, commence à parler de l'église, dit mon frère, ici on ne parle pas comme ça ici. Commence à critiquer les pasteurs, mon frère. Tais-toi. Ou bien, qui est d'accord avec moi? Que viens commencer avec mon frère, tais-toi. Si tu ne veux pas, pas. Ici, il y a l'amour de Dieu ici. Est-ce que vous comprenez? Yeah. C'est ça qui crée des problèmes. Des problèmes. Les gens viennent parler mal. Les gens sont à la maison, viennent à la maison te parler. Parler mal de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que là, c'est un ange, une église ange qui est là? Il n'y a pas de défaut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ah. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes béni ce matin? Yeah. Yeah. Ne sois pas fâché. Si tu es fâché, cela veut dire que tu es déloyal. Si tu es fâché contre ce que j'ai prêché là, tu es déloyal. C'est la loyauté qui t'a déloyauté, qui est fâché contre lui. Il y avait un jour un pasteur assistant. Il a pris le livre de loyauté, déloyauté. Il a fait comme ça. Ça c'est quoi ça? Ça c'est ordure. Yeah? Il est fâché contre le livre. Yeah? Quelques semaines, il a quitté l'église. Yeah? Il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées contre la loyauté. Lorsqu'on commence à enseigner sur la loyauté, ils sont fâchés parce qu'on les décrit. La loyauté, la déloyauté, le livre te décrit. Et puis deviennent offensés. Et puis quitte l'église. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Yeah. La loyauté va t'aider dans ta vie individuelle, dans ta vie personnelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Levez-vous s'il vous plaît. Wow. La semaine prochaine, on va parler de la culture de loyauté. Yeah, culture. Culture, c'est quoi? Culture de la loyauté, c'est quoi? Culture. Allégeance. Yeah. Comment développer une vie de loyauté? Yeah. Alléluia. Fermez les yeux. Pour une minute, dis merci. Seigneur, dis merci. Dis merci pour ses enseignements, pour sa parole, ce que le Seigneur t'a dit. Lorsqu'on vient, le Seigneur nous parle différemment. Et une partie de la prédication te touche ton cœur. Bien, tu te retrouves quelque part. Et ce matin, tu veux identifier cette partie qui t'a touché, ton cœur. Bien, tu t'es retrouvé quelque part et tu veux dire merci. Le Seigneur, merci. Merci et merci. Seigneur, nous te remercions pour ce message de loyauté, Seigneur. Merci. Délivre-nous de la déloyauté. Prie ce matin, dimanche, dis Seigneur, délivre-moi de la déloyauté. Déloyauté. Je veux être loyal. Je veux avoir une vie de loyauté dans tout aspect de ma vie, dans toutes choses, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Bénis ton peuple ce matin. Délivre ton peuple au nom de Jésus. Et tout le monde dise amen. Alléluia. Ce matin, fermez les yeux, s'il vous plaît, avant de s'asseoir. Si tu veux donner ta vie à Dieu, peut-être on t'a invité ce matin. Ou bien quelque chose, tu réalises que non, je viens depuis, mais je n'ai pas vraiment pris une décision pour donner ma vie à Dieu. Mais ce matin, tu te dis, Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? La Bible dit que, à moins que tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Mais ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux aller au ciel. Je ne veux pas périr dans l'enfer un jour. Lève la main. Tu veux que je prie avec toi? Lève la main. Tu veux donner merci, merci, merci. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu veux donner ta vie à Dieu. Tu ne sais pas, c'est une opportunité ce matin. On ne sait jamais. La semaine passée, il y avait plus de 100 personnes qui sont mortes. Tu ne sais jamais. L'opportunité, c'est aujourd'hui. Tu veux dire, oh non, j'attends un peu. On ne sait jamais. Ne sais jamais. Dans ta vie ce matin. Merci mon frère. Merci. Tu veux aussi lever la main. Tu veux donner ta vie à Dieu ce matin. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant? On va prier ensemble. On va prier ensemble. Mon frère, viens. Viens. Viens. Tu as levé la main. Oui, tu as levé. Viens. Viens. Viens. Viens, on va prier. Est-ce qu'on peut, acclamer pour lui? Acclame pour lui. Acclame pour lui. Alléluia. Non, viens, viens ici. Viens ici. Fais face à moi, ok? Fermez les yeux. Non, fais face à moi. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Tout le monde, ferme les yeux. Ferme les yeux. Mon frère, tu vas répéter après moi. Dis, Seigneur, je te remercie pour ma vie. Merci pour cette opportunité que tu me donnes. Merci pour Jésus que tu as donné. Ce matin, je crois qu'il est mon sauveur. Il a donné sa vie pour me sauver. Et je l'invite dans ma vie. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Au nom de Jésus, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir à partir de ce moment. Seigneur, aide-moi à te servir au nom de Jésus. Amen.